Je dois laisser passer les voitures venant de droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Freiner? Oui, réponse C. Non, réponse D.